Chapitre 4. L'arrivée. Cependant, on passait les nuits après les jours. Héberte à son balcon, pensive, attend toujours. Les lèvres et les mains viennent, mais sans reproche. Or voici que les temps et les barons sont proches. Et la Vierge bientôt ne doit plus ignorer que Pépin se languit de toujours espérer. Ils viennent, les voilà, fourbus et hors d'haleine. Leurs ombres devant eux s'allongent sur la plaine. Et leur cuirasse luit dans le soleil couchant. Le galop des chevaux se hâte en trébuchant. Mais là-bas, comme Elsa fit plus tard vers le cygne, Berthe au grand pied leur tend les bras et leur fait signe. Puis se ressouvenant qu'elle est fille de roi, elle prend un air doux, mélancolique et froid.